Bonjour, j'ai quelques petites affaires à dire, puis ça devrait pas être long. Ça devrait pas être long. C'est quoi, dans le fond? Moi, c'est de l'affaire, à un moment donné, c'est une question de devoir, pas au sens de dette, mais au sens de logique, de mettre en garde contre le côté, il y a une certaine, propension à la crainte chez les gens, surtout quand ils ont beaucoup souffert, comme les dernières années, ils ont souffert psychologiquement. Puis à un moment donné, c'est une question de devoir, au sens qu'il n'a dit mot consent, mais jusqu'à un certain point, ça va au-delà de ça, parce que ici, des fois, on peut rien dire sans consentir nécessairement. Mais il reste de mettre en garde contre les utopies. Parce que de ne pas le faire quand on a la capacité de le faire, qu'on a jusqu'à un certain point la responsabilité de le faire, ça revient à de la non-assistance à personne en danger. Ça revient à de la non-assistance à personne en danger dans le sens que, ben, on a la possibilité d'empêcher énormément d'énergie de se perdre au niveau des individus. Là, en ce moment, bon, on voit chez un certain monsieur qui a déjà accordé une entrevue à Luc Jouret. Luc Jouret, qui était à la tête d'une utopie de ferme expérimentale dans les Laurentides, à Moronette, que ça a fini rattaché d'ailleurs, possiblement, si on regarde par rapport en Europe, Michel Tabachnik, qui semble rattaché entre autres à des affaires comme la morgue, avec ses écrits comme qu'on va appeler les archers, puis des affaires de même. On reconnaît un peu par d'où ça sent, on voit d'où ça vient, comment ça finit. Donc, ce monsieur-là, qui est encore actif, qui a déjà accordé une entrevue à Luc Jouret, avait aussi déjà accordé, plutôt c'est Luc Jouret qui lui avait accordé une entrevue, mais des fois, vu sa façon d'interviewer, il y a aussi eu une entrevue avec Rock La Rochelle, que j'ai toujours trouvé assez spécial, que ça s'est demandé s'il n'y a pas là une opération. En tout cas, au niveau, vous savez, certaines agences de renseignement, parce que des fois, c'est tellement gros, puis comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose d'un petit peu grotesque. Grotesque. Encore des affaires d'utopie, puis là encore là, ça sent un peu comme d'où ça vient, l'espèce d'obsession pour l'Égypte ancienne, mais façon carton-pâte, comme dans des films hollywoodiens des années 50. Là, bon, à cette heure, c'est faire la promotion de des utopies encore. Puis on reconnaît, c'est les mêmes choses qui marchent encore. Les mêmes choses qui marchent encore, qui ont tout le temps marché. Bon, pourquoi ils changeraient les méthodes? Donc, vous savez, en bourse, des rassemblements qui sont pas sans faire penser à des affaires comme les hippies dans le temps de la contre-culture, qui est maintenant jusqu'à un certain point au niveau de la masse, la culture générale. Donc, des utopistes, des jeunes hippies qui sont devenus vieux, c'est-à-dire des enfants avec de l'expérience. Puis je dis pas ça méchamment, mais de la naïveté, c'est de la naïveté. Puis là, on fait la promotion, c'est quoi? Sa Majesté. Sa Majesté. Vous vous souvenez l'affaire, le roi de l'Anse-Saint-Jean? Au Québec, au niveau de l'âme, puis de la sensibilité de l'âme, étant donné que nous avons été vaincus à l'époque de Louis XV, avant la Révolution, puis il y a certains défauts, je dirais, émotifs collectifs qui sont inconscients. Donc, vous vous souvenez, l'espèce d'utopie, le roi de l'Anse-Saint-Jean, puis ça n'a pas fait long. Ben là, c'est Sa Majesté Lucius Ier, là, Taïos. Moi, je vais être franc avec vous autres. L'affaire de pandémie, puis le fait que beaucoup de gens ont souffert psychologiquement, il y en a qui ont vu ça comme une occasion, une opportunité, si on peut dire, des parts de marché. Des parts de marché. On le voit chez certains lanceurs d'alerte qui essaient d'embarquer des gens dans des affaires de pyramidales, comme on a vu dans les années 80-90, dans le temps, les affaires comme. C'était quoi donc? Des affaires d'huile d'émeu, puis de melaleuca, puis de champignons dans le café, puis d'affaires de même. Eux autres, c'est de comprendre que c'est des opportunistes, c'est des gens d'affaires qui veulent profiter de la naïveté du monde, de leur propension à vouloir évacuer de l'angoisse dans des utopies. Là, on parle d'un royaume qualifié à juste titre d'imaginaire, puis le but, selon moi, c'est de vendre des citoyennetés bidons. qui serviront absolument à rien. Puis il y a la promotion de ça qui est faite chez un monsieur qu'il a trempé dans toutes les affaires qui ressemblent à ça. Il y a tout le temps un lien, il est tout le temps partout où ça sent comme d'où ça vient, lui, il est pas loin. Il est pas loin. L'affaire, si je dis quelque chose, c'est pas juste parce que je consens pas, mais parce que je considère qu'à un moment donné, on a le devoir de prévenir notre prochain, puis si c'est possible, de faire en sorte que ça allume, que ça réveille, qu'on se rende compte que ça tient pas de bout. Ça tient pas de bout des affaires de même. C'est pas avec des utopies comme il y avait dans les micro-sociétés des hippies des années 60-70 qu'on va régler le problème. Ces affaires-là, ces utopies-là ont été programmées, ils ont été voulues. Justement pour détourner l'énergie, puis pendant que des gens comme prenez à Moranite la ferme expérimentale, c'était une espèce d'affaire de culture biologique, mais on encourageait justement une espèce de paranoïa sanitaire hypochondriaque. Il lavait les feuilles de salade à l'eau de Javel jusqu'à 16 fois de suite, puis ça va où des affaires de même? Ça va tout le temps vers les mêmes affaires, vers la mort. Vers la mort, c'est quelqu'un qui a la sensibilité de sentir ce qu'il y a en arrière, puis qu'il sent que ça a rapport avec certaines forces qui sont pas les amis, qui sont pas nos amis, qui veulent pas notre bien, qui veulent notre énergie. Qui veulent notre énergie, c'est encore une façon de détourner les avoirs de des baby boomers naïfs qui sont encore au fond des utopistes, qui sont encore dans des idées qui, en tout cas, ça perdure, ça perdure. L'affaire de Taïos, moi, à mes yeux, je considère que c'est de l'arnaque, comme des affaires d'un autre là, qui vend des cossins de produits pyramidales. Puis, si je disais rien, disons que y a une mise en vibration, je me sens obligé de dire quelque chose. Pas dans le sens que comme s'il y a quelque chose qui me tord un bras, mais dans le sens que j'ai l'occasion de le faire. J'ai l'occasion de le faire, puis je considère jusqu'à un certain point que c'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Vous le voyez que ça tient pas de bout. Et tu tiens là à la patente comme du monde, là. S'il y en a qui sont en train de perdre la tête, moi j'ai encore la mienne. Puis oui, il y en a des fois, ils vont chialer, ah, mais l'affaire de ne pas avoir d'émotion après, c'est parce qu'on n'a pas d'empathie. Puis c'est pas ça l'affaire. C'est d'avoir une partie de vous qui a l'objectivité d'être capable d'observer de façon objective la partie de vous qui est émotive. Pas de plus avoir d'émotion, puis de pas être sensible, puis de pas avoir d'empathie. Au contraire. Mais justement, de sortir les yeux d'engraisse d'ébine, puis de le voir quand ça n'a pas de bon sens, puis que ça n'a pas d'allure. Puis. Là, on parle de. Il vend des papiers de citoyenneté, puis il n'y a même pas de terrain encore fixe de choisi. Puis la personne morale, si on peut dire, est enregistrée où? Dans les Laurentides. Au Québec, le pays des sectes. Donc là, moi je vous le dis, puis c'est pas l'affaire que c'est comme un gourou sectaire nouvel âge. Non, moi je vois ça plus, c'est plus cynique que ça. C'est plus cynique que ça. Fait que là, à un moment donné, là, va falloir le voir, ça, parce que ça va très mal finir, ces niaiseries-là. C'est des calices de niaiseries. Puis, je pèse mes mots, là. Je pèse mes mots, c'est des hosties de niaiseries. Puis, il y a du monde que. Justement, comme je vous dis, dans les dernières années, psychologiquement, ils ont été mis à rude épreuve. Puis ils sont vulnérables. Puis quand on a beaucoup d'anxiété, d'angoisse jusqu'à un certain point, que c'est pas nécessairement parvenu à la conscience, ben des fois, inconsciemment, on va être porté à vouloir évacuer de l'angoisse dans des choses utopistes. Mais dans le fond, c'est de l'hostie de pelletage de nuages, c'est du rêve. OK? L'affaire, là, Taïos, puis tout, là, ça l'est, ça, le pays imaginaire, le pays des Kalinours, le pays des licornes. L'icône qui, en passant, est un symbole de l'illumination luciférienne. C'est pour ça que c'est blanc, l'icône. Fait que, moi, ce que je vous dis, c'est attention. On reconnaît un arbre à ses fruits. Puis quand quelqu'un fait la promotion de ça, puis qu'il y a en même temps la personne a déjà interviewé Luc Jouret, puis fait la promotion d'un paquet d'affaires qui se ressemblent, ça sent tout comme d'où ça vient, peut-être qu'il y en a une couple qui n'ont pas le nez fin. Ils n'ont pas le nez fin, puis mais c'est le devoir de ceux qui ont le nez fin de dire quelque chose. Au niveau des limiers, à un moment donné, il y en a un qu'il faut qu'il jappe. que celui qui a le nez fin, faut qu'il jappe un peu. Parce que, moi, je vous le dis, ça pourrait très mal se terminer tout ça. Puis, ne pensez pas que le ridicule ne tue pas. Ben franchement, là, quand on regarde ce qui est passé à Moronette, ce qui s'est passé à Moronette. Donc, attention. Attention. Si des fois je vais me montrer critique, puis je peux me montrer un peu dur, puis c'est pas parce que je suis méchant. C'est pas au niveau d'une confrontation. Mais par rapport à qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, puis c'est prévisible. C'est prévisible comment tout ça peut finir. Des utopies, c'est des utopies. Regardez, là, le roi de l'Anse Saint-Jean, au début, c'était pour attirer du tourisme, puis bon, mais finalement, il reste que, il y avait un petit côté, au niveau de notre émotivité collectivement, on est porté à se laisser avoir par certains types de formes spécifiques. Puis il y a des gens cyniques qui les connaissent, ces formes-là. Donc, moi, je vous dis attention, attention. Prenez comme quand on va chercher des vieilles formes, comme ce qui était, entre autres, anciennement l'Union nationale, puis là on mêle ça avec des affaires Nouvel Âge, puis ça aussi, attention, attention à toutes. Puis l'affaire, c'est pas de devenir paranoïaque, mais d'être à l'affût, puis de pas avoir d'idées reçues, mais pas au sens de croire n'importe quoi, justement. On n'est pas pour se laisser faire par comment je pourrais appeler ça? Des stratégies de marketing. Des stratégies de marketing. Rappelez-vous l'autre qui voulait construire. Il y en a un lanceur d'alerte au Québec à un moment donné. Il s'était rendu, il voulait un bateau, l'arche. L'arche d'un tel. Puis là, ça se tasse, c'est de vendre des affaires dans des structures pyramidales. On a vu ça en masse, là. C'est pas nouveau. C'est des vieilles, vieilles recettes. Puis pourquoi ils reprennent tout le temps des vieilles recettes? Parce que ça marche. Pas besoin d'avoir été embarqué dans rien dans le passé pour voir c'est quoi. Mais il y en a que ils refont tout le temps les mêmes erreurs. Ils apprennent pas des mêmes erreurs, puis ils se remettent tout le temps le pied dans le même piège. Il n'y a pas d'intégration. À un moment donné, il va falloir l'intégrer, l'expérimental, sinon on va se faire avoir tout le temps. C'est ce que j'avais à dire. Bonne soirée.